Un sacré samedi pourri. Loin de toi, ma rousse chérie. Loin du tournage de Julien Stéphanoni, de mes amis, de la bière et de la vie. Mes doigts sentent le curry. Je suis un abruti. Mes doigts sentent le pâté. Et je suis un enculé. Ma mère encore en train de pleurer pour des factures impayées. Et moi le sourire aux lèvres toute la journée, quand je pense à ton sourire et ta beauté. Mes doigts sentent le curry, et je suis un abruti. Mes doigts sentent le pâté. Et je suis un enculé. Mathieu s'en va à Strasbourg. Moi je me prends pour Gainsbourg. Moi j'aime les filles qui ne m'ont pas toujours aimé. Mais tant pis, moi je mange mon cassoulet. Mes doigts sentent le curry, et je suis un abruti. Mes doigts sentent le pâté, et je suis un enculé.